So Sayadaw will continue to speak about the Bojangas, and tomorrow is the closing ceremony. He may continue, he may include some more details about the Bojangas at that time. Aujourd'hui est le jour du dernier Dhamma Talk. Sayadaw va continuer à parler des Bojangas. Demain, il y aura la cérémonie des clôtures et peut-être il va inclure des détails en plus sur les Bojangas. Aujourd'hui, Sayadaw va parler des Pasaddhi Sambojanga. Pasaddhi est la tranquillité. C'est sa qualité. Pour être tranquille et paisible, on doit être libre de tout mouvement. Seulement sans mouvement, quelque chose peut être tranquille et calme. L'esprit apparaît ensemble avec Udacha, l'agitation. L'esprit n'est pas capable d'être stable sur aucun objet. Il ne peut prendre chaque objet calmement. Il est toujours éparpillé. Il est comme la surface de l'eau quand le vent souffle. Il y a toujours des vagues sur elle. L'esprit apparaît ensemble avec Udacha. Et ça est comme l'eau perturbée par des vagues. Si l'esprit n'est pas stable à cause de Udacha, est aussi comme un drapeau sur un mat qui bat en avant et en arrière dans le vent. Une autre façon de comparer Udacha est quand on a une pile de cendres et on y jette une pierre. Les cendres s'éparpillent et ils volent dans l'air en tourbillonnant. Et ceci est comme sont les qualités mentales quand Udacha, l'agitation, est présente. L'esprit ne peut pas être stable sur l'objet quand Udacha, l'agitation, est présente. Parfois, même la concentration est perturbée par l'agitation. Elle empêche à la concentration, Samadhi, de s'établir fermement sur l'objet. Elle s'abandonne à l'agitation. Et ça se passe beaucoup. C'est comme quand il y a une famille et un membre de cette famille est mentalement perturbé, ou il a un épisode. Dans certains types. La famille ne sera pas stable. Elle sera incapable d'être stable et calme quand un de ses membres est perturbé. Ça est comment se présente l'esprit et les qualités mentales quand l'agitation est présente. Il ne peut pas avoir aucune stabilité. Ils sont toujours dans un tourbillon. Ce qui se passe est que quand les gens ne savent pas contrôler leur esprit, ils disent et font ce qu'ils pensent et ils peuvent commettre beaucoup d'erreurs sérieuses pour réaliser seulement après « Ah, ça c'était vraiment mauvais de ma partie, je n'ai pas pu me contrôler. » Donc ils réalisent ça ensuite et ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils ont du regret et ils ont du remords. Et ce type de sensation est appelé « kukucha », le remords et le regret. La façon dont les gens se sentent après avoir reconnu d'avoir fait quelque chose de mal. Et quand cet état apparaît, l'esprit n'est pas en paix. Pasaddhi est la tranquillité. Et ça parce qu'il n'y a pas d'agitation et du remords. Il n'y a pas d'udacha et kukucha. La plupart des gens, quand leur esprit est agité, donc ils ont du remords, alors leur esprit n'est pas en paix, ils ne connaissent pas la bonne façon d'obtenir la paix de l'esprit. Donc ils utilisent des drogues pour calmer l'esprit, des médicaments ou des autres drogues comme des médicaments pour le sommeil ou pour le système nerveux. Et ça ne fait pas vraiment la différence dans leur esprit. Pasaddhi est beaucoup mieux que n'importe quel type de médicament qu'on pourrait prendre pour calmer l'esprit. Elle a cette capacité. Mais les gens s'épanchent vers l'alcool et les drogues car ils ne connaissent pas le chemin pour obtenir la tranquillité. Donc, ils utilisent ces méthodes pour apaiser l'esprit. La caractéristique des Pasadis est Kayachitadharata Upasamalakana Pasadi. Ça veut dire qu'elle a la caractéristique d'écalmer ou apaiser les préoccupations et l'agitation physique et mentale. Quand les gens ont un esprit qui est agité et finissent par faire des choses qu'ils regrettent, il y aura l'ardeur mentale de ces regrets ou l'ardeur mentale d'expérimenter l'avidité, la haine, la colère et l'illusion. Ça est ce que signifie Chittadharata. Et la tranquillité, Pasadi, peut apaiser cette ardeur de l'esprit. Celle-ci est la fonction des Pasadi, d'apaiser cette ardeur mentale. Et à la place de combattre les drogues avec ces types de programmes qu'il y a aujourd'hui, Pasadi serait une meilleure façon de combattre l'abus des drogues. La manifestation des Pasadi est Kayachitanam Aparipadandana Sitibhava Pachupatahana. Ça veut dire que Pasadi se manifeste dans l'esprit du yogi en tant que calme, calme du corps et de l'esprit. Quand Pasadi entre dans le flux de conscience, en premier lieu, l'esprit n'est pas agité et il ne tremble pas. Quand l'esprit n'est pas calme, alors le corps aussi n'est pas calme. Mais quand l'esprit s'est calme, pas seulement l'esprit, le corps avec lui devient calme. Aussi, les actions de chacun deviennent gentilles et subtiles. La parole devient aussi gentille. Donc, les pollutions mentales qui rentrent dans l'esprit et le perturbent, comme Udaccha, l'agitation, celles-ci sont éliminées quand Pasadi est présente. Donc, l'esprit et le corps, les deux, ils sont particulièrement immobiles, calmes et paisibles. Et ça est ce que le yogi ressent quand il la pratique. En fait, Pasadi est quelque chose qui apparaît automatiquement quand Piti est présente. Quand Piti apparaît, le corps et l'esprit deviennent automatiquement paisibles. Et spécialement, un des cinq types de Piti que Sayadaw a mentionné hier, quand Paranapiti, la joie qui se répand dans tout le corps en l'imprégnant, ce type de joie qui apparaît, le yoga, il ne veut pas la lâcher. Il ne veut pas se lever s'il est assis. Ça est ce qui se passe quand Piti est présent. En ces moments-là, le corps et l'esprit, les deux, sont particulièrement calmes, particulièrement tranquilles. Ça est ce qui semble au yogi. Et le yogi est très satisfait de ce type d'expérience. Parfois, à cause de l'apparition des Pasadis, les yeux du yogi s'ouvrent. Et le yogi cherche à les refermer à nouveau. Mais il s'ouvre quand même. Ça est quelque chose qui peut se passer quand Pasadi est présente. Et certains yogis décident, les yeux continuent à s'ouvrir automatiquement et j'essaie de les fermer. Mais finalement, les yogis, ils décident que ça ce ne fait aucune différence. Et ils décident de garder les yeux ouverts. Ça est quelque chose que peut se passer comme un effet de Pasadi pendant qu'on pratique. Ça est une des capacités de Pasadi, la tranquillité. Selon le Bouddha, il y a seulement une cause pour l'apparition des Pasadi, la tranquillité. Et ça est quand le yogi se concentre sur le développement d'un esprit salutaire, surtout l'esprit méditatif qu'on a maintenant. Si le yogi peut simplement continuer d'essayer d'avoir ce type de conscience encore et encore en continuation. Quand on cherche à développer l'esprit méditatif, il commence à avoir du calme et de la tranquillité petit à petit. Et Pasadi apparaît. Ce Pasadi qui apparaît est la cause ou facteur d'illumination qui permet à Pasadi d'apparaître. Selon les commentaires, il y a sept causes pour l'apparition des Pasadi Sambojanga. La première est Panita Bhojana Sevanata, qui signifie avoir de la nourriture qui est adaptée et nutritive. La nourriture, quand on mange, est très importante. Quand on a de la nourriture qui n'est pas adaptée pour nous ou pas assez nutritive, alors on n'aura pas l'énergie physique nécessaire, on n'aura pas la robustesse corporelle nécessaire dans la pratique. Sans cela, l'esprit n'est pas calme et paisible. On ne peut pas avoir la tranquillité. Donc, on doit avoir de la nourriture adaptée et assez nutritive. Ça est très important. Les yogis doivent penser à leur propre expérience. Pensez au moment où vous avez de la nourriture que vous voulez et qui est particulièrement adaptée pour vous et qui est attractive pour vous. Quand vous avez cette nourriture à la retraite et vous pratiquez, comment vous vous sentez? Et aussi les fois quand vous n'avez pas eu de la nourriture qui était agréable ou cette nourriture n'était pas suffisante et puis vous avez cherché de pratiquer. Comment vous vous êtes senti en ce moment? L'esprit a difficulté à se sentir heureux avec ça. Donc la nourriture qu'on mange est très importante pour nous. La deuxième cause pour l'apparition des Passadi Sambhojanga est Utsukha Sewanata. Ça signifie, quand on a besoin d'avoir un temps, une météo adaptée à nous. La météo peut provoquer l'apparition des bonnes sensations en nous. Si vous y pensez, certaines personnes trouvent le froid très difficile. Quand la météo est trop froide pour eux, c'est difficile pour eux d'être tranquilles. Les gens qui n'aiment pas la chaleur, quand la météo est trop chaude, leur esprit ne se sent pas tranquille non plus. C'est bien de pouvoir pratiquer dans un endroit où la météo, le temps est modéré par rapport à la chaleur ou au froid. Vous devriez trouver un endroit pour les retraites qui a ce type de température modérée quand vous programmez votre retraite. La troisième cause est Hiryapatasukha Sewanata, qui ça signifie qu'on a besoin de méditer dans une posture qui est adaptée pour nous. La posture de marcher, d'être debout, être assis et être allongé. Les quatre grandes postures. On devrait méditer dans une posture qui nous fait sentir bien. Quand on parle de la posture qui nous fait sentir confortable, si une personne est vraiment capable de pratiquer, alors le Bouddha a dit de pratiquer la méditation assise et la méditation en marche, d'alterner les deux. Ça, c'est le mieux. Si on pratique la méditation allongée ou sur une chaise confortable, alors on sera très confortable et on n'aura pas besoin de beaucoup d'efforts pour maintenir notre posture. Donc l'effort sera assez réduit. À cause de cet effort réduit, en certains moments, on pourrait s'endormir. Et aussi, si on est assis sur une chaise, alors on s'appuie sur le dossier. Ça, c'est très confortable. Mais à cause de ce confort, on pourrait pencher la tête assez vite et nous endormir. Mais il y a des gens qui ont des soucis de santé et ils ont besoin de méditer dans des postures comme ça, sur des chaises ou dans d'autres postures où ils ne sont pas contraints de garder leur corps droit. Des gens comme ça, s'ils font assez d'efforts dans la pratique, ils peuvent progresser, ils peuvent développer leur connaissance. La cause suivante pour l'apparition des Passadi Sambhojanga est Majjhatapayoggata, qui est avoir un effort équilibré. Ça signifie que votre effort ne doit pas être trop intense, il ne devrait pas être trop lâche non plus. Donc, si vous pensez à quelqu'un qui va escalader une montagne et il veut le faire très vite et il cherche à aller le plus vite possible, ce qui se passe est qu'il pourrait avoir plus de douleurs quand il sera au sommet et aussi en parcourant la distance jusqu'au sommet. Il aura beaucoup de douleurs. La personne qui pratique trop négligemment, qui pratique comme un escargot peut-être, ça aussi n'est pas approprié. Donc, vous devez trouver un équilibre entre ces deux extrêmes et utiliser un effort équilibré pour vous appliquer. La cinquième cause pour l'apparition des Passadi est Saradakaya Pugala Pariwajanata, qui signifie qu'on devrait éviter des gens impolis et grossiers ou qui jurent très fort. Et une personne qui est grossière, brute et cruelle, si vous êtes autour de quelqu'un comme ça, vous ne vous sentirez pas en paix. Vous n'aurez pas la tranquillité ni du corps ni de l'esprit quand vous entendez cette personne jurer, crier. Ça perturbe l'esprit. Donc, on devrait être libre de ce type d'influence. La cause suivante est à l'opposé. Elle s'appelle Pasadi Kaya Pugala Sewanata. On devrait s'associer avec des gens qui ont la tranquillité du corps et de l'esprit. La dernière cause pour l'apparition des Pasadi est Tadadimottata, de toujours pencher l'esprit constamment et fermement pour le développement des Pasadi Sambojanga. On doit y donner priorité et notre paix du corps et de l'esprit est très importante. Donc, on doit garder cet objectif en tête. Si on fait ça, quand on pratique, on sera capable d'avoir la paix du corps et la paix de l'esprit. Celle-ci est la dernière des sept causes, selon les commentaires, pour l'apparition des Pasadi Sambojanga. Le facteur d'illumination de la concentration, Samadhi, est la qualité d'être établi fermement sur chaque objet d'observation, instant par instant. L'esprit continue à pénétrer dans l'objet ou à être collé à l'objet encore et encore. Ça est Samadhi Sambojanga. Par rapport aux caractéristiques de Samadhi Sambojanga, on dit Avikepalakano Samadhi, qui veut dire que Samadhi a la caractéristique de la non-distraction. Non-distraction signifie qu'elle est calme, elle s'attache à l'objet et elle le pénètre. Quand l'esprit est sous contrôle de Samadhi, il devient plus calme, jour par jour, moment par instant par instant. Et cet esprit qui est sous le contrôle de Samadhi reste calme, parce que Samadhi le garde sous contrôle. Ça est la manifestation de Samadhi. Upasama Pachupatano. Dans l'esprit du yogi, Samadhi se manifeste en étant calme. Pour donner une analogie sur comment Samadhi travaille avec l'esprit et l'état de l'esprit qui apparaît avec elle, par exemple, les parents qui veulent protéger leur enfant, ils le contiennent systématiquement afin que l'enfant ne puisse pas sortir et se lier d'amitié avec de mauvais enfants, car ils ne veulent pas que leurs enfants deviennent mauvais à son tour. Les parents le contiennent pour qu'il puisse pas aller avec ses mauvais enfants. Donc, ils gardent leurs enfants à la maison à jouer tout seul, sous le contrôle de ses parents. Comme ça, l'enfant devient bon et calme. Et c'est de la même façon avec Samadhi. Elle empêche les autres dhammas mentales qui apparaissent avec elle d'aller ailleurs. Elle les unifie dans un seul objet. Et à cause de cette unification, l'esprit ne va pas ailleurs. Il tombe sur l'objet. Tout comme l'enfant qui devient bon et calme sous la protection de ses parents, l'esprit devient calme et la connaissance se développe sous le contrôle de Samadhi. Le Bouddha a dit qu'il y a seulement une cause pour que Samadhi Sambojanga apparaît. Et ça est qu'une personne dirige toujours son esprit vers la stabilité. Donc, quand le yogi garde ça en tête en continuation, en dirigeant l'esprit vers la stabilité, le moment précédent de concentration devient la cause pour le moment suivant de concentration. Et en particulier, la cause pour l'apparition de Samadhi Sambojanga sont les moments de concentration qui précèdent. Ça est la seule cause selon le Bouddha. Dans les commentaires, il y a 11 causes pour l'apparition de Samadhi Sambojanga. La première est Vatu Visada Kariyata, qui est de garder la propreté des bases intérieures et extérieures. Ça a été déjà décrit par Sayadaw quand il a parlé des Dhammavicaya Sambojanga. La deuxième cause pour l'apparition des Samadhi Sambojanga est Indriya Samatha Patipadanata, qui signifie que le yogi doit équilibrer les facultés de contrôle. Virya, l'effort, et Samadhi, la concentration, doivent être en équilibre. Et aussi, les facultés de foi et sagesse, Sada et Panya, doivent être en équilibre. Ça a déjà été discuté dans les causes de l'apparition des Dhammavicaya Sambojanga. La troisième cause est Nimitta Kusalata. Et ça est important pour les yogis qui pratiquent Samatha. Pas beaucoup pour les yogis qui pratiquent Vipassana. Les gens qui pratiquent seulement Samatha devraient être habiles en prenant l'objet qui est en signe de Samadhi, qui est le Nimitta. Ça n'est pas une préoccupation pour les yogis qui pratiquent Vipassana. Le quatrième point est de booster l'esprit de temps en temps. Samaye Chittasa Pagananata. Parfois, quand nous semble que la pratique n'a pas progressé ou l'esprit qui médite est faible, alors l'esprit devient un peu déprimé. Et quand il est déprimé comme ça, le yogi doit stimuler l'esprit. Par exemple, à travers Virya, le fort qui peut stimuler l'esprit. Ça a été mentionné l'autre jour sur comment générer l'effort. Donc, l'esprit a besoin d'être stimulé. Parfois, l'esprit est exubérant et doit être réprimé. Mais ce type de déprime ou de surexcitation de l'esprit sont quelque chose dont l'enseignant des méditations doit être conscient et aider les yogis à trouver un équilibre. Le cinquième point est aussi inclus dans ce que Sayadaw a déjà dit. Samaye Chittasa Nigananata. Et ça est quand l'esprit est exubérant. Le yogi peut avoir des expériences qui les rendent très heureux. Et l'esprit doit être calmé en ces moments-là. Quand l'esprit est surexcité, doit être calmé et équilibré. Ça est un autre facteur qui cause samadhi. La sixième cause pour l'apparition des samadhi Sambojanga est Samaye Samparansanata. Parfois, l'esprit du yogi doit être rendu heureux. Le yogi peut se rendre heureux lui-même, mais aussi l'enseignant de méditation peut rendre le yogi heureux. Quand on doit faire ça, parfois la pratique ne va pas bien. Et pour certaines raisons, le yogi se sent découragé ou le yogi se sent fatigué de pratiquer. En ces moments, l'esprit doit être rendu heureux. Donc l'enseignant doit dire quelque chose pour rendre le yogi heureux. Parce que l'esprit est déprimé comme ça, alors l'enseignant ou le yogi lui-même peuvent rendre heureux l'esprit. Puis, quand il pratique, il peut obtenir la concentration car l'esprit sera frais. La septième cause pour l'apparition des Samadhi Sambojanga est Samaye Ajupekanata. Parfois, la pratique va bien et le yogi ne doit pas faire beaucoup d'efforts. L'esprit qui note est naturellement et facilement connecté avec l'objet avec précision. En ce moment-là, on ne devrait pas nous dépasser. Vous ne devez pas essayer de vous efforcer plus par le fait que vous voulez obtenir le Dhamma rapidement. Vous ne devez pas non plus relâcher votre effort. Vous devez continuer régulièrement et constamment. C'est comme vous êtes dans un voyage en voiture, vous conduisez à une vitesse normale, car si vous accélérez parce que vous voulez arriver vite à destination, vous pourrez avoir un accident. Donc, vous devez rouler normalement. Le huitième point est Asamahita Pugala Parivajanata. Vous devrez éviter des gens dont l'esprit n'est pas concentré. Une personne dont l'esprit n'est pas concentré est quelqu'un qui n'a même pas une concentration d'approche, une concentration de proximité, ou Upachara Samadhi. Quand vous vous associez à des gens instables, vous aurez que de l'instabilité et il n'y aura aucune base pour la concentration. Le neuvième point est Samahita Pugalasewanata, qui est l'opposé du huitième point. Vous devrez vous associer à des gens qui ont la concentration. Ça veut dire que ces gens ont pratiqué et développé Upachara Samadhi, la concentration des proximités ou la concentration d'absorption. Ou des gens qui possèdent la concentration momentanée, la concentration momentanée des vipassanas, comme on fait maintenant. Ça aidera notre stabilité. Le dixième point est Jhana Vimokkhapaccha Vekaranatta. De temps en temps, vous devrez contempler le caractère extraordinaire de l'absorption jhanique, qui est libre de toute perturbation. Si vous pratiquez les jhanas mondains, vous pouvez contempler cet esprit calme, stable et libre de nivarana. Ou pour ceux qui pratiquent Vipassana Samadhi, vous pouvez contempler la forte concentration Vipassana. Quand vous contemplez la concentration que vous avez développée en précédence, vous pouvez la faire apparaître à nouveau. Ceci est aussi une cause pour l'apparition de Samadhi Sambhojanga. Le dernier point est Tadadimuttata, de pencher l'esprit de façon constante pour donner priorité au développement de la concentration. Vous devez toujours pencher l'esprit vers l'être concentré sur chaque objet qui apparaît. Et si vous gardez l'esprit penché comme ça, l'esprit ira dans cette direction et il obtiendra la concentration. Celle-ci est la onzième cause pour l'apparition des Samadhi Sambhojanga. Maintenant, si vous pratiquez pendant la période assise, la période en marche et les activités quotidiennes, vous cherchez d'observer l'objet qui apparaît. Donc, si vous concentrez l'esprit pour qu'il se concentre sur chaque objet qui apparaît, ce que vous faites est la cause pour l'apparition des Samadhi Sambhojanga. Donc, vous devez dire à votre esprit, je vais noter. Et ça sera la cause pour l'apparition de Samadhi Sambhojanga. L'esprit se penchera vers ça. Sayado espère que vous serez capable d'observer l'objet qui apparaît avec continuité, afin que la concentration sera de mieux en mieux et vous obtiendrez le niveau le plus haut de concentration. Sadhu, sadhu, sadhu. Voilà. Yogi ya de gero ba a thuk ja le so da ko sait ko shot tha po ya a yon mo thi thi mi mi su su sa ja kwa man nan yin da tamari de bo tet yaw ma be lo nyi yin mu si le ya ma ba be sa ja ko ji ku chein ma a thuk ka a kha be phit si taw de chein ku ya de ko yi a thuk ni de a kha ma be phit si da ba be na စိတ်ကိုညှို့ထားစေရမည်ပေါ့နော်ညှို့ထားရဆိုရင်တမာရီလည်းပဲဖြစ်လာဖို့အကြောင်းအားကောင်းသွားတာပေါ့ကိုစီကဲပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ခြင်း၍နော်ကိုစီခံစားနိုင်ကြပါစေလို့နော ်သာဓုသာဓုသာဓု